Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire à Montlouis-sur-Loire, un lieu de sensibilisation et de découverte autour de notre fleuve. Avec nous Thierry Poli, coordinateur de cette Maison de la Loire, pour évoquer les prochains rendez-vous de la programmation et notamment un temps fort des semaines de l'eau 2025-2026, une conférence consacrée à un enjeu majeur de société et d'environnement, la contamination des eaux fluviales par les microplastiques. Bonjour Thierry et merci de nous accueillir. Bonjour. Alors pour commencer, petit rappel sur la vocation de ce lieu qui est en fait un espace très particulier au cœur de Montlouis. Oui, tout à fait. Alors particulier mais en même temps renouvelé sur deux régions puisque les Maisons de Loire sont au nombre de 6 dans un réseau qu'on appelle la Fédération des Maisons de Loire. Donc je rappelle simplement que nous sommes effectivement à Montlouis, au cœur de l'Indre-et-Loire, pour représenter la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire. Et puis il y en a deux autres dans le Loir-et-Cher qui sont à Saint-Dié et à Blois. Une Maison de Loire à Jargeau dans le Loiret, une dans le Cher à Belleville. Et ensuite, en Anjou, il y a une structure qui a rejoint les 5 autres un peu plus récemment, qui est la Maison de la Loire de Saint-Mathurin. Voilà, donc toutes vouées à l'éducation environnement et à la Loire, toutes des associations, toutes tournées vers des publics variés, donc évidemment le scolaire, mais aussi les familles, mais aussi les associations et les élus de plus en plus, puisque les élus sont aussi concernés, qu'on le veuille ou non, par des problématiques environnementales et ligériennes. Donc voilà, et au travers donc d'actions, principalement les animations, les sorties, les ateliers, mais aussi les conférences, les journées thématiques, et puis n'oublions pas aussi les expositions, qui sont un moyen aussi de faire rentrer les gens dans la connaissance de l'environnement avec un angle artistique. Et puis, bien entendu, nous sommes des associations, donc nous avons besoin de bénévoles, tous et toutes. Bénévoles et d'adhérents, on imagine. Adhérents, bénévoles, voilà, et aussi membres de conseils d'administration, bureaux, voilà. Les associations, je dis ça parce que je sais qu'autour de nous, nous sommes impactés, mais il n'y a pas que nous. Les associations ont besoin d'implication, et c'est vrai qu'avec cette actualité qui est un peu morose en termes d'environnement et de patrimoine, le bénévolat est un petit peu plus difficile. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes personnes qui répondent présents, et on devrait valoriser beaucoup plus cela, parce que les associations, qu'elles aient des salariés ou non, ce sont des agents de développement du territoire. Alors, quand on parcourt votre agenda, on voit qu'il y a de nombreux rendez-vous, vous l'évoquez, autour des grandes thématiques environnementales, autour du fleuve qu'est la Loire. Comment ça se construit une programmation à l'année ? Comme on peut. Comme on peut. Alors, en fait, j'ai envie de dire le cœur dit oui, mais la raison et l'agenda dit doucement. Parce qu'après, voilà, donc on est une petite équipe. Bon, elle s'est réduite pour des raisons budgétaires, je ne vais pas le cacher. L'État notamment qui a réduit en 2025 sa dotation. Donc c'est toujours difficile parce que tout ça, c'est des moyens humains. Donc la programmation, elle se fait avec, je dirais, un lot d'éléments incontournables qui sont forcément dans l'ADN des Maisons de Loire et de la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire, c'est-à-dire essayer d'informer, sensibiliser sur des enjeux. Alors beaucoup, là je parle d'animation scolaire, beaucoup d'animation scolaire sur le thème de la sensibilisation au risque d'inondation. Mmh. Ça c'est quelque chose qui est un travail constant dans la durée. Il y a des thèmes liés à la biodiversité, la compréhension du fleuve, et puis des choses qui sont relativement ludiques, comme par exemple les animations sur le castor. Mais il y a aussi des dimensions de collaboration avec les autres partenaires, alors particulièrement les autres Maisons de Loire, dans le cadre de la Fédération. Il y a des projets que nous menons, je dirais, en commun, qui font valoriser la Loire et la Fédération. Il y a aussi des événementiels. Enfin voilà, donc la tendance, c'est de dire on est sollicité un peu pour plein de raisons partout. Les choix, il faut les faire en fonction de... Alors évidemment, il y a des politiques budgétaires, parce que nous sommes la plupart des salariés, donc il faut que les actions qui sont la plupart du temps faites par les salariés soient rémunérées. Mais il y a aussi des enjeux un peu de représentativité politique. Je vais me permettre un exemple. Le 15 septembre, nous étions dans l'île d'Or. pour un événement que tout le monde a maintenant bien identifié, qui s'appelle la Grande Remontée. Bon, eh bien, nous avons fait une animation bénévole sur le thème de la pierre, du patrimoine, parce que pour nous, il était important de montrer que la Loire naviguait autrefois, c'est pas que les bateaux, c'est tout un ensemble de choses patrimoniales qui est lié notamment au transport des marchandises, des matériaux. Et tout cela fait qu'il y a des moments stratégiques où il faut que les maisons de Loire soient présentes pour essayer de ramener les gens sur la Loire et de leur faire lire un fleuve, on va dire, le plus objectivement possible. Voilà, c'est un exemple. Alors, les autres exemples, c'est aussi de pouvoir collaborer, par exemple dans le cadre de la conférence sur le thème des microplastiques, avec des savoirs que nous n'avons pas, des compétences et des problématiques importantes. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu tout ça qui fait que les choix ne sont pas faciles et que les moyens humains non plus ne sont pas forcément suffisants. Mais on essaie d'offrir un petit peu, on va dire, une gamme de choses qui sont diversifiées à la fois sur les thématiques, sur les formats, tout en gardant notre âme. Alors justement, on l'évoque, cette conférence qui aura lieu le 7 octobre à l'espace Ligeria sur la contamination des eaux fluviales par les microplastiques. Elle sera présentée par un intervenant qui s'appelle Mohamed Boussafir. Qui est Mohamed Boussafir ? Alors, c'est un professeur de l'université de Tours, responsable d'un laboratoire. Donc, le professeur Boussafir travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Castle, dans lequel les maisons de Loire, normalement, vont pouvoir être impliquées. Il y aura un niveau peut-être de participation. C'est important de parler des micros et même des nanoplastiques qui sont encore plus petits, parce que, bon, déjà depuis plus de 15 ans, on a des images dans les médias où on voit des poissons, des tortues qui sont piégées par du plastique ou qui absorbent la quantité de plastique. On sait que le plastique, c'est quantité énorme. Mais là, on parle de plastique visible. Ça a déjà une incidence sur la chimie de l'eau. Ça, c'est évidemment une pollution visuelle. C'est quelque chose qu'on gère mal. Et puis, mais il y a la conséquence de ça. C'est-à-dire sous ces petites particules invisibles qui sont pourtant bien là. Il va falloir quand même faire quelque chose pour les prendre en charge. Donc, moi, j'invite vraiment à venir à cette conférence pour plein de raisons. La première, c'est qu'effectivement, dans les maisons de Loire, on s'attache à montrer un peu aux autres ce que l'on ne voit pas forcément, pas facilement. On est là pour ça. Et donc, je pense que le problème des microplastiques et des nanoplastiques, c'est l'exemple type de ce qu'on ne veut pas, nous, sur la Loire, c'est-à-dire en dehors de la pollution, mais essayer de cacher les affaires, essayer de dire, ouais, bon, on ne voit pas, donc il n'y a pas. Voilà, la problématique de l'eau. C'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y en a pas, mais il n'y en a pas parce qu'on n'a pas cherché ou il n'y en a pas parce qu'il n'y en a vraiment pas. Donc c'est ça aussi que l'on doit avoir en approche de notre environnement. C'est essayer de se questionner sans contrainte, se dire effectivement, il y a des choses qui sont des conséquences de nos activités humaines. Et donc c'est très important de tirer la sonnette d'alarme, sachant que la question qu'on peut se poser, c'est comment prendre en charge ces choses-là. Parce qu'un sac plastique, ça peut se ramasser, même s'il y a une incidence, mais toutes ces petites particules, donc là on parle de micro et nanoplastiques. Ouais. Donc là on est dans un domaine où effectivement c'est très inquiétant. En tout cas, ça doit être passionnant d'aller à cette conférence, c'est pour ça que là on y tient vraiment, et puis on tient vraiment à cette collaboration entre l'Université de Tours et la Maison de la Loire, qui se fait, on peut dire, depuis des années, notamment avec l'IUT, puisque je rappelle quand même que cette conférence s'inscrit dans un projet de la Maison de la Loire qui est les Semaines de l'eau. Et dans ces Semaines de l'eau, on sensibilise des écoles de Mont-Louis, mais aussi le grand public, aux problématiques de l'eau. Alors, dans ce cadre-là, les collaborations qu'on avait déjà eues avec l'Université de Tours, bon, c'est par exemple une conférence sur les cyanobactéries. Il y a eu aussi une conférence sur la pollution de l'eau douce, de l'eau potable. Voilà, donc on est dans cette même ligne. Et c'est vrai que les chercheurs, on ne pense pas forcément à les faire communiquer. Mais c'est important pour eux, d'abord, de donner la vitrine de leur travail. Ce sont des gens passionnés, passionnants. C'est nécessaire de les valoriser aussi parce que ce sont des recherches qui sont absolument indispensables. On peut ajouter qu'il y a un tarif symbolique à 2 euros qui a été choisi, donc ça c'est important de le préciser, une façon de rendre ce type d'événement accessible au plus grand nombre. Donc on rappelle que c'est le 7 octobre à 20h30 à l'espace Ligeria de Mont-Louis pour mieux comprendre les impacts des microplastiques dans nos rivières grâce à l'intervention de Mohamed Boussafir. Alors c'est pas tout, il y a plein d'autres choses au programme qui sont prévues, vous avez notamment fait ce week-end vos portes ouvertes. Thierry, je crois que les supports papier de communication ne sont plus d'actualité au niveau de la Maison de la Loire. Vous avez maintenant une communication qui se fait plutôt sur les réseaux ? Ben oui, voilà, nous avions un programme papier qui était quand même fort apprécié. Un petit livret semestriel regroupant toutes nos animations. On a toujours été pour le fait qu'il fallait utiliser le numérique, mais c'est vrai que le papier, dans certains cas, ça peut être bien. Donc ce document rendait service à beaucoup de gens, mais seulement ben, pour des raisons de réduction de budget en 2025, on a fait le choix de ne pas faire travailler un graphiste sur ce document et de ne pas imprimer. Ce qui fait que ça fait une économie qui est quand même appréciable, même si... Bon, alors, on se débrouille. Hein, heureusement que des médias comme Radioactif sont là pour relayer et nous aider pour la communication. Mais c'est important aussi, je pense que... voilà, de ces débats, papier, pas papier, enfin, je crois que c'est l'usage qu'on en fait qui est important. En tout cas, c'était un bel outil de communication. On y reviendra peut-être, mais effectivement, donc aujourd'hui, on a notre site internet. Tout le monde peut aller sur le site internet et prendre connaissance de l'actualité. Donc on vous retrouve facilement en tapant Maison de la Loire sur les moteurs de recherche et on vous trouve. MDL 37, Maison de la Loire d'Indre-et-Loire ou Maison de la Loire 37. Vous allez trouver la Maison de la Loire facilement en précisant que la plupart de nos sorties et activités nécessitent une réservation. Nous avons le portail Helloasso. Donc, qui permet de réserver et de régler en ligne. Et d'adhérer également. Exactement, et même mieux qu'adhérer, faire un don, puisque en tant qu'association d'éducation à l'environnement, comme les autres Maisons de Loire, nous sommes des associations déclarées d'intérêt général. Mmh. Je le rappelle aussi parce que ce statut d'association déclarée d'intérêt général, nous l'avons depuis 2009, et c'est vrai qu'on a été assez timoré pour le mettre en avant. Et on regrette parce que pour tout ce que l'on fait de gratuit, l'accueil des visiteurs pour nos expositions, l'existence de la bibliothèque, l'acquisition de livres, notre mise à disposition sur beaucoup de réunions et groupes de travaux, justifie pleinement ce statut. Et il est normal qu'on sollicite des dons défiscalisables, alors notamment en direction des entreprises, en direction des... Parce qu'en fait, la Loire, en fait, c'est un petit peu nous quand même. Et c'est bien d'aider la Maison de la Loire pour ce qu'elle offre de gratuit sur son territoire. Il est toujours dommage de constater qu'une association reconnue d'intérêt public se voit rogner un certain nombre de financements. C'est toujours bien dommage. On pense aussi à nos amis du domaine de la culture et de bien d'autres champs qui se voient également devant un fait accompli bien triste. Merci beaucoup Thierry de nous avoir reçus dans les locaux de cette Maison de la Loire qui, rappelons-le, reste ouverte au public toute l'année et qui propose bon nombre d'animations. Vous pourrez retrouver toutes les infos pratiques et les dates des semaines de l'eau parce qu'il y a plein de choses qui sont organisées à ce niveau-là en tapant Maison de la Loire sur votre moteur de recherche. Merci beaucoup Thierry. Merci à toi. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.